Bonjour à tous, bienvenue au lycée Charlotte Perriand. Vous qui entrez ici, savez-vous qui était celle qui a donné son nom à notre établissement? Découvrez comment Charlotte Perriand, pionnière du design moderne, a transformé ses idées novatrices en œuvres révolutionnaires en scannant les QR codes et plongée dans son incroyable histoire. Épisode 1, sa jeunesse. Charlotte Perriand, née à Paris en 1903, deviendra l'une des plus grandes femmes de l'histoire et contribuer à l'invention moderne. Charlotte a des parents qui travaillent tous les deux dans le domaine de la couture. À 10 ans, j'entrais à l'hôpital des enfants malades pour me faire enlever l'appendicite, comme tous les enfants de cette époque. En 1920, elle entre en tant que boursière à l'école du comité des dames de l'Union centrale des arts décoratifs. Un groupe réunissant musées, lieux d'enseignement et bibliothèques. Elle finit par quitter cette école car elle n'apprécie pas ses études. En 1926, elle attire l'attention en présentant un coin de salon à l'édition des Salons des artistes décorateurs de Paris. Charlotte continue ses projets en dessinant notamment un plan pour une table pliante destinée à une villa de hier. L'année suivante, elle crée un bar sous le toit qu'elle présente au Salon d'automne de 1927. Ce projet la rend très populaire. Elle reçoit d'élogieuses critiques sur ses œuvres. Elle découvre alors le travail de Le Corbusier, avec qui elle désire s'associer. Tout d'abord, celui-ci refuse, mais en visitant son stand, revient sur sa décision et lui propose un poste en tant qu'associé pour l'aménagement intérieur des maisons. Voici pour la première partie de la vie de Charlotte Perriand. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur elle, alors n'hésitez pas à scanner les autres QR codes situés le long du mur pour connaître toute son histoire.